prêt à écouter tes arguments. Moi aussi je cherche la paix pour nos enfants. Ne me crois pas défaillant quand je te suis sur certains plans. Je suis prêt à écouter tes arguments. Moi aussi je cherche la paix pour nos enfants. Ne me crois pas défaillant quand je te suis sur certains plans. Les inégalités sont là, c'est criant face à cette surdité. C'est frappant, ça veut pas s'arrêter. Insensible ou volontairement inhibé, tu fermes les yeux mais t'es marqué. Tu le sais, c'est pas joué. Convaincu que le dernier mot sera le tien. Refrain ton credo, tu l'appliqueras note à note, tu le connais bien. Tu l'as potassé, t'es diplômé, mérite le respect. Je suis prêt à écouter tes arguments. Moi aussi je cherche la paix pour nos enfants. Ne me crois pas défaillant quand je te suis sur certains plans. Je suis prêt à écouter tes arguments. Moi aussi je cherche la paix pour nos enfants. Ne me crois pas défaillant quand je te suis sur certains plans. Le masque tombe, il est temps. Reconnaître la terre est ronde. Sois conscient, ce système ne répond pas à la formule. Tes hypothèses sont caduques, les conclusions nulles. Tu soutiens tes maîtres avec l'espoir d'être un jour membre du club pour envoyer paître. Les sens sans papier, sans abri, c'est ta vie meurtrie. Explose dans tes yeux quand tu vis dans ton monde bien heureux. T'as du fric, c'est merveilleux. Peu importe ton voisin, t'es pas curieux. La capitalisation s'est bien passée. Maintenant passons à la caisse et encaissons les deniers. C'est salé, on s'assoit sur les transactions. Pas de taxes, c'est sacré, mais non, c'est pourtant indispensable pour trouver l'argent, pour un état stable, une vie paisible pour tous les gens. Je suis prêt à écouter tes arguments. Moi aussi je cherche la paix pour nos enfants. Ne me crois pas défaillant quand je te suis sur certains plans. Je suis prêt à écouter tes arguments. Moi aussi je cherche la paix pour nos enfants. Ne me crois pas défaillant quand je te suis sur certains plans. Liberté, égalité, fraternité. Fraternité, liberté, égalité. Je suis prêt à écouter tes arguments. Moi aussi je cherche la paix pour nos enfants. Ne me crois pas défaillant quand je te suis sur certains plans. Je suis prêt à écouter tes arguments. Moi aussi je cherche la paix pour nos enfants. Ne me crois pas défaillant quand je te suis sur certains plans.